M'a grillé le frère. Dans la nature. Thank you. J'ai servi le verre avec des glaçons. Whisky, cigarette. Whisky, cigarette. C'est une petite fête. Le soleil est bon, le soleil est bon, pastis à la maison. Thank you. every day, every night. I see every night I see the light, the light.